soupira auprès de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi et mon esprit en moi te cherche, ô Jésus, toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis, oui, je vis pour t'adorer. Toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis, ah oui, pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le Jésus.

seul, on les dit, car toi seul en es dit. Seigneur Jésus, car toi seul en es dit, car toi seul. Alléluia. Le Christ, le Seigneur. Te donnons. Merci Jésus. Son regard est fixé sur toi, jour après jour, à chaque instant, chaque moment de ta vie. Alléluia. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Non, rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Écoute ceci. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix de ma liberté. Je veux t'obéir et te servir et ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Oui, près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Alléluia. Oui, tu as marché. Tu as cherché partout des solutions à ton problème et tu n'as pas trouvé. Et pourtant, il y a des promesses dans ta vie. Et il accomplira ces promesses-là. Même si elles tardent, attends-la. Elle s'accomplira, comme dit le livre d'Habacouc. Oui, elle s'accomplira certainement. Parce qu'il y a une destinée pour toi. Et qu'il avait prévu pour toi. Oh, près de toi, Seigneur. Oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur. Oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oh, Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te livre toute ma vie. Je veux chanter pour toi, oui, mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Car toi seul es digne, Seigneur, de ma louange. Toi seul es digne, Seigneur, de ma louange. Toi seul, Seigneur, es digne, digne de ma louange. Viens bientôt Emmanuel, viens pour délivrer Israël, ton peuple attend pour te bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Oui, chantez, chantez, vint à notre appel et comblait nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Comblez nos cœurs, Emmanuel.